savez tous très bien ce qui vous amène. Vous devriez vous demander qui vous êtes et qui vous voulez devenir. Fort heureusement, vous allez avoir tout le temps d'y réfléchir. Pas loin devant, pas le temps pour le lendemain.